إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on continue بإذن الله تعالى l'explication en langue française du livre من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسين العباد حفظه الله تعالى ورعاه. On s'arrête à surat Qaf. Surat Qaf. Le shir va prendre deux versets qui se suivent, qui est le verset 16 et également le verset jusqu'au verset 18. Du verset 16 jusqu'au verset 18. Donc trois versets. يقول الشيخ قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبر الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme le suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. ونحن أقرب إليه من حبر الوريد, de sa veine que sa veine jugulaire. Donc ici le terme employé ما توسوس به نفسه et qu'il traduise donc ici tout ce que son âme lui suggère. Il y a ni tout ce qui passe dans l'âme, tout ce qu'elle lui suggère. Et ensuite il dit Allah Azzawajal, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. يقول الشيخ أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن خلقه للإنسان وعلمه بسره وعلانيته وما يختلج في صدره كما قال الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Donc le shir, il nous apprend ici et il nous cite qu'Allah Azzawajal il a créé l'homme et il sait. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal nous informe qu'il a créé l'homme et qu'il sait qu'il a la science de ses secrets et de ce qu'il dit en secret et ce qu'il renferme en lui-même et également ce qu'il dit publiquement et ce qu'il fait publiquement. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans son cœur, à l'intérieur de lui-même. Tout ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, Allah Azzawajal, il le sait. Que ce soit une pensée, ce qui arrive à l'intérieur de toi-même, ou les pensées qui passent en toi-même, Allah Azzawajal, il sait tout de cela. Et ensuite, il a cité ce verset. وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Donc ici lorsqu'on dit bien sûr al-sadr qui est la poitrine, mais al-murad, c'est-à-dire ce qu'on veut ici, c'est bien sûr le cœur, ce qui se passe dans le cœur. Il dit également, il cite un autre hadith ou plutôt un autre verset. Il dit وَقَالَ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهْرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Donc on voit encore les poitrines. Le murad ici, bien sûr les cœurs, ce qu'il y a dans le cœur. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Que vous cachiez votre parole à divulguer, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui, compatissant, le parfaitement connaisseur. Al-Latifu, compatissant. Al-Khabiru, parfaitement connaisseur. C'est lui qui nous a créé, Allah Azzawajal. Il sait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur. Et également un autre verset qu'il cite, le shir, قُلْ إِنْ تُخْفُ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوا يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلْ إِنْ تُخْفُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. Dit que vous cachez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ensuite, le shaykh va nous expliquer le verset suivant, ou plutôt la deuxième partie du verset, et qui est « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَلِيدِ مِنْ حَبْرِ الْوَلِيدِ. » Et donc ils l'ont traduit de cette façon, c'est le sens, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. On voit bien ici « وَنَحْنُ » nous. Allah Azzawajal, il emploie donc ce « adad damir » « وَنَحْنُ » c'est-à-dire donc « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ » On va voir que c'est important. Il nous dit, le shir, qu'il y a eu deux tafsirs, que les savants ils ont donné deux explications par rapport à ce verset. Le premier tafsir qui nous est donné et que le shir cite, « يَقُولْ قُرْبُهُ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِحَاطَةِ » Ça, c'est la signification du verset. « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » C'est-à-dire donc, la proximité d'Allah Azzawajal de par sa science, bil-ilm, de par sa puissance, bil-qudra, et également de par ce qu'Allah Azzawajal enveloppe, ce qu'il encercle, ce qu'il recouvre. Wabil-ihata. Et bien sûr, tout ça, c'est comme si c'était en premier bil-ilm, c'est-à-dire de par sa science, Allah Azzawajal. Ça, c'est la première signification. Donc Allah Azzawajal, ici, il dit « wa nahnu aqrabu ilayhi » et on sait Allah Azzawajal lorsqu'il parle de lui, il dit souvent dans le Coran wa nahnu, c'est-à-dire nous sommes. Et on sait bien qu'au niveau de la langue arabe, ça indique, lorsqu'on dit nous, ça donne de l'importance, bien entendu, à la personne qui va parler. Ça donne de l'importance à la personne qui va parler. Ça, c'est au niveau de la langue arabe, lorsqu'on dit nahnu. Donc c'est un procédé linguistique. Wa nahnu aqrabu ilayhi min habri al-warid, tout simplement. Et c'est bien sûr pour répondre à une des chouboîtes que certains chrétiens disent. Ils disent lorsque Allah Azzawajal, il dit dans le Coran, dans votre Coran, Nahnu. Donc il parle au pluriel. Il parle au pluriel. Donc il faut savoir répondre à cette chouboie. C'est tout simplement un procédé linguistique. C'est-à-dire, à titre d'exemple, lorsqu'un roi parle, lorsqu'une personne importante elle parle, elle, au niveau de la langue arabe, elle parle au pluriel, elle dit Nahnu fa'anna kada, c'est-à-dire nous, nous avons fait cela, etc. Donc c'est un procédé linguistique qui est repris ici dans le Coran. Taïb, ça c'est la première chose. Et donc c'est dans ce sens que va la première signification. Ensuite, la deuxième signification qui est donnée, Qurb al-Mala'ika, c'est-à-dire le maqsoud ici, al-Mala'ika, les anges. Les anges. Et il nous dit, le shir, que à partir de là, si on donne cette signification, ou si on prend cette signification, ce tafsir, pour dire que ce sont les anges qui sont aussi proches de l'homme que sa veine jugulaire, alors il donne un autre verset qui va dans le même sens. وَنَظِيرُ قَوْلِهُ فِي الْوَاقِعَ فِي سُرَةِ الْوَاقِعَ, et qui est la parole d'Allah Azzawajal la suivante, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, bien entendu, mais vous ne le voyez point, ou mais vous ne voyez pas cela, c'est-à-dire cette proximité. Donc ça irait dans le même sens que cette parole-là ou ce tafsir qui est donné lorsqu'on dit al-mala'ika. ذكر التفسيرين ابن القيم في مختصر الصواعق, c'est-à-dire que Ibn al-Qayyim, c'est lui qui a rapporté, ou est parmi les savants qui ont rapporté ces deux tafsirs dans son livre intitulé مختصر الصواعق. ورجح الثاني منهما واستدل له ورجح ايضا ابن كثير في تفسيره. Donc l'avis, le deuxième avis, ça va être l'avis qui va être pris de Ibn al-Qayyim. Il va choisir le deuxième avis d'Ibn al-Qayyim, et également, comme nous le cite le Cheikh Ibn Kathir dans son tafsir, il va également choisir le deuxième avis qui donc nous montre que ce sont les anges, que al-maqsoud, le sens ici, ce sont les anges. Et bien sûr, pour qu'il choisisse un des tafsirs, il faut des preuves. Il faut qu'il s'appuie donc sur des preuves, et c'est ce que va nous citer le shir. Ensuite, il dit waqtasara ala al-awwal minhuma ibn Abi Zayd fi muqaddimati risalatihi. Et il dit également que ceux qui ont rapporté ce tafsir, parmi eux, le grand savant Ibn Abi Zayd, dans sa muqaddima fi muqaddimati risalati. C'est-à-dire, vous savez que Ibn Abi Zayd faisait partie des grands savants et des savants malikites, al-Qayrawani, et il a écrit un livre qui a eu un très grand succès dans le monde musulman. Un très très grand succès dans le monde musulman, ce livre, et qui s'appelle en fait Ar-Risala, qu'il a intitulé Ar-Risala. Donc un livre qui est présent. Il faut savoir que ce livre-là, à l'époque, à Bagdad, et dans beaucoup de pays, il s'achetait, son poids s'achetait au prix d'or, tellement qu'il avait de la valeur, ce livre. Et qui est donc un Mukhtasar, c'est-à-dire que Ibn Abi Zayd, dans ce livre, il va tout simplement parler du Fiqh, c'est-à-dire des différentes Abwab al-Fiqh, des différents chapitres du Fiqh, Birtisar, c'est-à-dire en résumé, suivant le madhab al-Maliki, suivant le madhab de l'imam Malik. Taïb. Et il faut savoir qu'il a fait une muqaddima à son livre, c'est-à-dire une présentation, une introduction. Et cette introduction, elle traite de la croyance. Cette introduction, elle traite notamment de la croyance, et principalement de la croyance. Et le shir lui-même, shir Abdel Mohsin al-Abbad, il l'a expliqué. Il a expliqué durant une quinzaine de jours, alhamdoulilah, j'ai pu assister à cette explication de cette muqaddima. Donc il a expliqué le muqaddima, il l'a expliqué mot à mot, et qui donc relève de la croyance. Et même ensuite, il y a un livre qui est sorti et qui est présent, où il a donc écrit ce qu'il avait expliqué en rajoutant beaucoup de choses également. Donc dans ce livre et dans cette muqaddima, lorsqu'il a parlé donc de ce point-là, Ibn Abi Zayd, il a tout simplement lui pris le premier avis, tout simplement. Il a pris le premier avis, il n'a cité que le premier avis, et donc qui est la proximité d'Allah Azzawajal de par sa science, de par sa puissance, sa capacité, subhanahu wa ta'ala. Il dit وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ذِكْرُ الضَّمِيرِ بِاللَّغْضِ التَّعْظِيمِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَلَائِكَةِ كما في قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Ça c'est في سورة القيامة, c'est le verset 18. Il nous dit donc Abamir qui est ici نحن, Abamir ici qui est نحن, جاء باللغة التعظيم, c'est-à-dire que on veut par là التعظيم, c'est-à-dire la grandeur. والمراد به الملائكة, et on veut par là الملائكة, c'est-à-dire les anges. On veut par là les anges. Et il va prendre comme preuve le verset suivant. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, c'est-à-dire quand donc nous le récitons, suit sa récitation. Et qui c'est bien sûr qui a récité? Il nous dit le cheikh, qui c'est qui a récité? وَالَّذِي قَرَأَهُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est pas Allah qui a récité directement le Coran ou qui a dit sa parole directement au prophète, mais c'est Jibril qui était l'intermédiaire entre Allah Azzawajal et son prophète. Et le prophète d'Allah, c'est lui qui était l'intermédiaire, et c'est lui qui est venu apprendre au prophète le Coran. Et on sait que durant les nuits de Ramadan, il venait pour réviser avec lui et pour qu'il revoie le Coran. Il faisait ça durant les nuits du Ramadan, Jibril. Et on sait qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était des plus généreux, ajwadun nas, dans ce temps-là. Ala kulli hal, on s'aperçoit ici qu'il est cité fa'idha qara'nahu. Donc ici, damir muttasil, bariz, damirun muttasil, taïb, et c'est qui se traduit ici fa'idha qara'nahu, fa'tabi'a qur'anahu. Donc on voit ici que le damir muttasil est qui traduit ici nahnu, qui traduit ici nahnu. C'est pour ça qu'on le traduit, on le cite, la traduction de la signification, quand donc nous le récitons, suit sa récitation. Donc nous le récitons, et le marsoul ici c'est Jibril. Donc ça c'est présent dans le Coran, qu'Allah Azzawajal il emploie nous, donc que ce soit muttasil ou munfasil, que ce soit rattaché ou que ce soit non rattaché, à la kulli hal, il emploie le terme nahnu, il veut dire par là les anges, comme c'est ici l'exemple qui est clair dans ce verset, fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana, quand nous le récitons on suit sa récitation. Tayyib. وقوله, c'est-à-dire encore un autre verset qui vient prouver cela. فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يجادلنا في قوم لوط. Ça c'est fait surat Hud, c'est le verset 74. Lorsque l'effroi quittèrent Ibrahim et que la bonne nouvelle lui atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Donc on voit ici encore un damir muttasil et qui veut dire nahnu, qui veut dire ici nahnu, yani yujadiluna nahnu. Bien sûr, Adam, on a mafroulbi. Mafroulbi, ici il est en complément. Ici il est en complément. Ala kulli hal, ça veut dire, on traduit yujadiluna nahnu, qui est traduit par le damir al-muttasil nahnu. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là, ou qu'est-ce qu'Allah Azzawajal veut dire par là? Bien sûr, les anges. Ce sont les anges qui sont venus voir Ibrahim, comme vous le savez, comme vous connaissez l'histoire. Et c'est donc avec les anges qu'Ibrahim il a parlé. Et alors qu'Allah Azzawajal dit yujadiluna, avec nous, et qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Donc on voit ici que Allah Azza wa Jalla employé le même procédé au niveau de la langue, mais al-maqsoud, sans khilaf, c'est-à-dire sans aucune ambiguïté ou sans aucune divergence, c'est bel et bien les anges. On voit encore une fois qu'Allah Azza wa Jalla a employé le terme qui veut dire, ou qui traduit nahnu, et il veut dire par là al-malaïka. Comme il dit le cheikh, wa innama jadala al-malaika. Il cite encore un autre verset qui va dans ce sens. Donc ça c'est une déjà des preuves que va citer Ibn al-Qayyim dans son livre. Taïb, donc ici on a une preuve que nahnu ce n'est pas gharib, ce n'est pas étrange, qu'Allah Azza wa Jalla utilise nahnu sous ses différentes formes, que ce soit damir muttasil ou damir munfasil, et qu'il veut dire par là al-malaika. Ça c'est la première chose. Ensuite il dit وَمِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ الْقَيِّمِ لِتَرْجِيحِ قُرْبِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَيَّدَ الْقُرْبَ فِي الْآيَةِ بِالظَّرْفِ وَهُوَ قَوْلُهُ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ فَالْعَامِلُ فِي الظَّرْفِ مَا فِي قَوْلِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ قُرْبُهُ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَتَقَيَّدْ ذَلِكَ بوقت تلقي الملكين ولا كان في ذكر التقييد فائدة فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة التعلق. طيب. Le cheikh également il nous rapporte donc l'argumentation, il rapporte l'argumentation, une deuxième argumentation de Ibn al-Qayyim pour dire que c'est bien al-ma'na ici al-mala'ika, et c'est l'avis du cheikh Abdel Mohsin. Il dit que, regardez bien dans le verset, si on revient maintenant sur le verset pour bien comprendre ce qu'il est en train de nous dire, et c'est vrai que c'est une argumentation qui est très forte du verset même, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, donc on voit bien ici, donc ils traduisent il yatalaqal mutalaqiyan taïb il. Et c'est ce qu'on appelle au niveau de la langue al-dharf. Et on sait bien que al-dharf soit l'il-mekan ou l'il-zaman. Et ici, l'il-zaman. Ici, l'il-zaman. C'est-à-dire, al-dharf l'il-zaman. C'est-à-dire donc, al-dharf ici va traduire le temps. Va traduire un temps. Et quel est ce temps? C'est au moment où les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Taïb. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit, nous sommes plus proches, où nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire quand les deux recueillants. Donc après, qayyada, c'est-à-dire qu'il a restreint au moment où il est plus proche, où nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, au moment où les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Et mawawadjul istidlal, c'est-à-dire quel va être l'aspect argumentatif de cette preuve-là que nous donne le shir. Il dit awalan, fal'amil fi dharf, c'est-à-dire ce qui va agir sur ce qu'on appelle al-dharf, ça va être bien sûr, c'est de façon générale al-fi'l, c'est-à-dire le verbe. Ça c'est des règles, il revient sur des règles, la grammaire arabe. C'est bien sûr al-fi'l, c'est ce qui agit sur al-dharf, c'est al-fi'l. Et ici, le terme wa nahnu aqrabu ilayhi min ma'na al-fi'l, c'est-à-dire ça vient dans la même signification que le fi'l. Que le verbe. À la kulli hal. sans rendre la chose trop difficile, il faut tout simplement savoir que ce qui va agir par rapport à ce qu'on pourrait traduire préposition, c'est-à-dire quand et qui, une préposition propre au temps, quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, ce qui va agir dessus, c'est à la base un verbe. Mais ce qui traduit le verbe ici, c'est le terme « nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire », c'est-à-dire « wa nahnu aqrabu ilayhi »« wa nahnu aqrabu ilayhi ». Et donc, si ça aurait été « qurbullah », ça aurait été la proximité d'Allah Azzawajal, qu'Allah Azzawajal est proche d'eux de par sa science, est-ce qu'il y aurait eu un intérêt qu'Allah Azzawajal restreint cette proximité par le terme « quand » ou « au moment de », c'est-à-dire par un temps? Allah Azzawajal est proche de ses serviteurs tout le temps. Allah Azzawajal est proche de ses serviteurs tout le temps. Et en fait, cela est général. Donc on n'a pas besoin de restreindre ou de relier ceci à un temps ou à un lieu. Allah Azzawajal est avec nous de par sa science. Allah Azzawajal est avec nous de par sa science. Ça rentre dans ce qu'on appelle Al-Ma'iyatul Amma, c'est-à-dire la proximité d'Allah Azzawajal, de ses esclaves, et qui est d'ordre général. Donc on voit ici qu'il n'y a aucun intérêt, si ce serait été la proximité d'Allah Azzawajal, que ce soit restreint par ce temps-là, quand les deux recueillants, ou au moment des deux recueillants, à sa droite et à gauche, recueillent. Donc ça, c'est une preuve qui est très forte pour dire que Al-Maqsoud, c'est Al-Mala'ika. C'est Al-Mala'ika. Et donc, si on revoit bien le contexte, et on revoit bien en fait l'exposition des deux versets, entre le 16 et le 17, on va bien voir que lorsqu'il dit Allah, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, quand les deux recueillants, que le marksout, sont bien les malaïkas, c'est-à-dire les anges. Et ensuite il dit, donc voilà pour ce qui est des deux preuves. Donc deux preuves, et qui sont très fortes. La première preuve, c'est que beaucoup de versets viennent avec Abdamir Nahnu, qu'ils soient muttasil ou munfasil, comme on l'a dit, et ils veulent dire par là al-malaika sans aucune divergence. C'est-à-dire la chose est plus qu'évidente. Et donc à partir de là, on peut très bien dire que ce verset également rentre dans la même lignée que les autres versets. Et la deuxième chose, c'est comme on vient de dire, c'est que al-qurb, la proximité ici, a été restreinte au moment où les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Ce qui prouve également que c'est donc bien al-mala'ika. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite il dit le shirk. Thumma bayyana ta'ala annahu wakkala bil insani malakain yaktubani al-hasanati wa sayyat wa anna kulla lafzin yasduru minhu yaktubani wa yu'ridu dhalika alayhi yawm al-qiyama fayujazi aw fayujaza ala a'malihi in khayran fa khayr wa in sharran fa shar. Donc ensuite, comme c'est présent dans ce verset, le shir, il nous montre et il nous cite qu'Allah Azza wa Jalla a mis en évidence qu'il y avait deux anges qui étaient tout le temps avec nous et qui sont chargés d'écrire les bonnes actions et les mauvaises actions, et que tout ce qui sort comme parole de la personne, ils l'écrivent. Rien ne sort de la bouche de la personne sans que ils n'écrivent cela. Donc love, ici le terme ou anna kulla lafzin kama fi al-Qur'an ma yalfidhu, ici al-fi'l, le verbe ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, donc c'est chaque parole. Et on va voir également ce que disent les savants par rapport à cela. Quelle est la parole ou quelle est les catégories de paroles divergentes, on va voir également ici. Et donc à partir de là, ils seront rétribués par rapport à cela. Donc s'il y a un bien, alors ce sera un bien, et s'il y a un mal qui sort, ce sera donc un mal au niveau de la rétribution. Ensuite, il rapporte une parole de Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, rahmatullah alayhi, fi kitabi Adwa al-Bayan, qu'on ne présente plus, tellement qu'on a présenté durant ces cours, qui sont tafsir. Il nous dit « وَقَدْ دَلَّتَ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى أَنَّ مَقْعَدَ أَحَدِهِمَا عَنْ يَمِينِهِ وَمَقْعَدَ الْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. Donc dans ce verset, il y en a un qui est assis à la droite et il y en a un qui est assis à la gauche. Taïb. Et donc celui qui est assis à la droite, c'est celui qui va écrire les bonnes actions. Celui qui écrit, qui est à la gauche, c'est celui qui va écrire les mauvaises actions. Et on voit tout le temps en fait qu'il y a toujours un sens par rapport à l'yamin ou au shimal au niveau de l'islam, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la sunna, c'est-à-dire la droite et la gauche. Ashabu shimal, les gens de la gauche, ce sont bien sûr les gens du feu, ou ashabu yamin, les gens de la droite, ce sont les gens de, du paradis. Et également dans la sunna du prophète, les mauvaises choses comme l'istinja, etc., lorsqu'on se lave les parties, on se lave avec les mains gauches. Et pour les bonnes choses, également, on utilise la main droite, que ce soit pour manger, etc. Donc on voit au niveau de l'islam que la droite et la gauche ont une importance et qu'elles veulent dire à plusieurs niveaux beaucoup de choses. Et donc ici on voit encore al-yamin ou al-yasar, c'est-à-dire aushimal, la droite et la gauche, que ce soit pour les deux anges, qu'ils ont tout simplement leur place. Il revient ensuite le shir, il dit wal-qa'id qala ba'du ma'na al-qa'id, al-qa'id, c'est-à-dire celui qui est assis. Simplement, al-qa'id, bi ma'na al-qa'id, al-qa'id, donc al-wazn fa'il, et qui veut dire ici, ou qui traduit al-wazn al-thani, qui est al-fa'il, tout simplement, donc celui qui est assis. Wal-adhar anna ma'nahu al-muqa'id, al-wazn al-mufa'il, tout simplement également, c'est au niveau ici de la langue, ça revient à sarf, ce qu'on appelle sarf, ce n'est plus du nahou, ici c'est du sarf. Ala kulli hal, le shir tout simplement, il dit que al-ma'na al-muqa'id, il voit que c'est al-muqa'id. Wal-mufa'il, c'est bien sûr minna al-musharaka, c'est-à-dire qu'il y a une association entre deux personnes. Donc c'est tout simplement ici, ça traduit le fait que la personne s'assoit de manière awalen continuelle et qu'elle s'assoit avec une autre personne. Donc l'ange ici s'assoit avec qui? Ou les deux anges s'assoient avec qui? Avec la personne, sont assis auprès de la personne. La personne al-mukallaf, personne qui est responsable de ses actes et responsable de ses paroles, et donc qu'elles sont donc écrites, contrairement bien sûr au savi, contrairement également à al-majnoun, contrairement à al-na'im, c'est-à-dire celui qui dort, celui qui est fou, le jeune, le petit, c'est-à-dire qui n'a pas encore la responsabilité. Bien sûr ici al-qalam, c'est-à-dire la plume est relevée, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas leur action, contrairement donc à al-mukallaf. Et il nous dit وَقَدْ يَكْثُرْ فِي الْعَرَبِيَّةِ عَإِطْلَاقُ الْفِعْلِ وَإِرَادَةُ الْمُفَاعِلِ كَالْجَالِسِ بِمَعْنَى الْمُجَالِسِ وَالْأَكِيلِ بِمَعْنَى الْمُؤَاكِلِ. Simplement, il donne des exemples à cette règle linguistique et il nous dit que beaucoup de termes qui sont employés à la wazn fa'il comme al-jalis ou comme al-akil, ils veulent dire par là al-mujalis pour ce qui est d'al-jalis, donc toujours à la wazn al-mufa'il. Al-jalis, al-mujalis, donc celui toujours qui s'assoit avec toi. Al-mujalis, tout le temps celui qui s'assoit avec toi. Wal-akil, bimarna al-mu'akil, c'est-à-dire celui, yusharikuk fil-ak, c'est-à-dire celui qui mange avec toi. Al-akil, celui qui mange avec toi et qui donc s'associe avec toi dans la nourriture. Et ce qu'on appelle donc al-mu'akil. Et bien sûr, ça de façon plus que fréquente. Wa qala ba'dhum al-qa'id bi huna huwa al-mulazim. Al-mulazim. Al-mulazim, qu'est-ce que ça veut dire? Wa kullu mulazim da'iman aw ghaliban yuqalu lahu qa'id. C'est-à-dire également au niveau de la langue arabe, ça c'est bien de prendre un petit peu des informations et prendre un peu de science au niveau de la langue arabe. Il faut savoir que le terme qa'id, lorsqu'on dit une personne est qa'id, on veut dire al-mulazim. C'est-à-dire que toute personne qui accompagne une autre personne, qui est continuellement avec elle, qui est inhérent à elle, tout le temps elle est avec elle, chaque fois qu'on le voit, comme si elle vivait avec elle, chaque fois qu'on va la voir, on la voit avec cette personne-là, on l'appelle au niveau de la langue arabe al-qa'id, et qui veut dire al-mulazim, taïb. Et ce terme-là, on l'emploie également par rapport lorsqu'un élève, il s'assoit de manière continuelle avec un shir et qu'il accompagne toujours un shir. On dit wa mulazimun lahu, wa lazama shir. Souvent, on voit ça. C'est-à-dire, lorsqu'on voit une tarjama, la vie, par exemple, d'un savant, on voit que durant sa jeunesse, on utilise ce terme, on dit lazamaou fulan, ou shir, ou l'allama. C'est-à-dire qu'il a continuellement été avec un des chirs, qu'il a pris la science avec lui de manière continuelle. À chaque fois qu'il s'assoyait, il s'assied avec lui. À chaque fois qu'il faisait des doros, il était avec lui. Donc on appelle ça al-mulazim, et donc on l'appelle également al-qa'id au niveau de la langue arabe. Donc tout ça, ça revient à la langue arabe, et bien sûr c'est en relation avec le verset, parce que le terme employé ici, pour désigner les deux anges, c'est qa'id. Et également, il nous dit, et c'est également un autre procédé linguistique, ça nous permet encore de comprendre plusieurs procédé qui se trouve dans la langue. Il dit wal ma'na an al yamin qa'id wa an al shimal qa'id fa hudhifa al awla aw al awwal fa hudhifa al awwal bi dalalati al thani alayh huwa uslub arabiy ma'ruf. Également, on voit que dans la langue arabe, si on reprend maintenant le verset, tayyib, il dit Allah azza wa jalla id yatalaqqa al mutalaqqiyan an al yamin wa an al shimal qa'id. Qu'est-ce que veut dire en fait? Nous, si on donnait l'explication, c'est tout simplement an al yamin qa'id, c'est-à-dire celui qui est sur la droite, il est assis, il reste tout le temps avec la personne. Wa ani shimali qa'id, également celui qui est sur la gauche, il est également assis. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la langue arabe? Ça, c'est donc un procédé, comme dit le shir, ou uslubun arabiyyun ma'ruf, c'est un procédé linguistique arabe, littéraire, et qui est connu dans la langue. C'est-à-dire que il est sous-entendu dans le verset anil yamini qa'id ou anil shimali qa'id. Taïb, qu'est-ce qu'on fait? On efface le premier terme, c'est-à-dire anil yamini qa'id, qa'id on l'efface. Donc on dit anil yamini wa anil shimali qa'id et on laisse le deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième terme va nous indiquer la présence du premier terme. Donc tout simplement, minbab et tarfif, c'est-à-dire pour simplifier au niveau de la langue et pour que ça soit moins lourd, ça aurait été bien sûr plus lourd si on aurait dit anil yamini qa'id ou anil shimali qa'id. Donc pour alléger la langue arabe, et c'est un procédé que l'on trouve beaucoup, que ce soit dans le Coran ou dans la langue arabe de façon générale, donc on efface le premier terme. Pourquoi? Parce que le deuxième terme va nous indiquer sa présence. Il a été effacé, mais le deuxième terme nous indique sa présence. Donc on n'a pas besoin de le citer. Donc c'est minbab et tarfif, c'est pour alléger. Donc ici, anil yamini wa anil shimali qa'id, et marna anil yamini qa'id wa anil shimali qa'id. C'est-à-dire que les deux, ils sont assis et les deux, ils sont continuellement avec l'homme. Ce n'est pas seulement celui qui est à sa gauche, anil shimali qa'id, mais également celui qui est à sa droite. Ensuite, il va nous citer l'irtilaf par rapport à ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce que les anges ils écrivent? يقول وقال اعلم ان العلماء اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا عقاب عليه هل تكتبه الحفظة او لا ام لا. Il nous dit cher que les gens ou les savants ont divergé par rapport à l'acte qui est permis, el mubah, l'acte qui est permis, c'est-à-dire un acte qui est permis au niveau de la religion, c'est un acte qui ne va pas avoir de récompense et un acte qui ne va pas avoir de quoi? De châtiment. Donc les savants, ils ont divergé. Est-ce que cet acte-là, il est écrit par les anges ou pas? Sachant qu'il n'y a pas, il n'engendre aucune récompense et aucune ou aucun châtiment. فَقَلَ بَعْضُهُمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّ الْأَنِينِ فِي الْمَرَضِ. Certains savants disent qu'on écrit tout, que les anges ils vont tout écrire. Jusqu'à que le gémissement, la plainte durant la maladie. Vous savez que lorsque la personne a une maladie, il sort de lui des gémissements, des plaintes. Taïb, ils disent les savants, ou une partie des savants, qui est l'un des avis, ils disent que même cela, il est écrit par les anges. Yuktab. Et il dit, وَهَذَا الظَّاهِرْ قَوْلِهِ, c'est-à-dire c'est en apparence la parole qui est citée par Allah Azza wa Jalla dans ce verset même. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Donc on voit bien, également ici on revient à la langue arabe, regardez à chaque fois donc qu'on est en train d'expliquer le Coran, on est en train à chaque fois de revenir à la langue arabe, d'où l'importance de la langue arabe, l'importance d'apprendre la langue arabe. On a déjà dit à la base que c'était une obligation, on voit ici, on le voit de nous-mêmes, son caractère obligatoire. Comment tu vas comprendre le Coran si tu ne reviens pas à la langue arabe? Et on a vu, durant beaucoup de cours, que lorsqu'on revenait à la traduction, il y avait à certains moments des erreurs, ou à certains moments, des paroles qui vont être citées qui sont marjouh, c'est-à-dire une traduction qui va être prise d'un avis qui est marjouh, qui est en fait, qui n'est pas considéré, qui est très faible. Ça on l'a vu, on a donné plusieurs exemples durant l'explication de ce livre. Taïb. Et même d'ailleurs la dernière fois, ou le cours dernier, lorsqu'on a vu le, ou celui d'avant, lorsqu'on avait expliqué Minhum, الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. On a vu que منهم ici ce n'était pas une bab al-tab'id mais une bab al-bayan. C'est aussi on l'a expliqué. Et donc lorsqu'on revient à l'explication, ils traduisent par parmi eux. Parmi eux, on pourrait comprendre par parmi eux, c'est-à-dire certains qui vont, que la promesse d'Allah Azza wa Jal va être effective sur certains d'eux et pas d'autres. Donc il y a une différence entre les sahaba, et c'est ce qu'on utilisait comme shubwa de certains zanadiqa, comme l'avait dit le shir. Donc c'est important de comprendre la langue arabe, surtout pour talib al-ilm, encore plus pour talib al-ilm bien entendu, celui qui apprend la science. Taïb. Et regardez encore ici, cette importance se traduit par la présence encore d'un autre procédé linguistique au niveau du Coran. Lorsqu'il nous dit que cela est apparent, c'est-à-dire que tout ce qui va être tout ce qui va sortir de la bouche de l'homme, que ce soit même l'anin, que ce soit même le gémissement, le verset va le prouver. Et ça va être dans son apparence, le verset. Pourquoi ? Il dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Taïb, on a ici un procédé. Ma yalfidhu. Ici, un ma, mal nafi. On a vu que el ma, il peut traduire plusieurs choses. Ma el nafiya, ou el ma el mousoula, etc. Ici, c'est ma el nafiya. C'est-à-dire, ici, il traduit la négation. Ma yalfidhu min qawlin. Ensuite, il dit nakiratun. Le terme ici, qawlin, c'est nakira, c'est-à-dire indéfini. On n'a pas dit minel qawl, ça serait défini. Et l'article défini, ça serait traduit par l'alif ou l'lam. Donc ici, il n'y a pas l'alif ou l'lam. Et ensuite, on voit le tanwin à la fin. Donc pour ceux qui ont appris les bases de la langue arabe, on s'aperçoit que c'est bel et bien ici nakira. Tanwin, dun, alif ou l'lam, donc c'est nakira. Min qawlin, qawlin, donc le terme indéfini. Lorsque le terme il est indéfini, fisiyak nafi, et qu'il est dans un contexte négatif, qui se traduit ici par un ma, ma yalfadu, ma nafiyauna. Wa zuyidat qabla lafzatu min fayanassun sarihun fil umum. Ça, c'est une règle très importante au niveau de la langue arabe et qu'on trouve beaucoup dans le Coran. Et que les gens ou que les jurisconsultes et les usuliyun et les gens de là, des bases de la jurisprudence, utilisent beaucoup min bab al-istidlal pour argumenter et pour prouver l'aspect argumentatif d'une preuve. Ici ensuite il nous dit donc pour revenir nakiratun fi siyaq nafi nakiratun donc qawlin nakira comme on l'expliquait ma nafiya donc fi siyaq nafi exposition ici dans une exposition dans un contexte négatif zuidat qablaha lafzatu min ici on va tout simplement venir avec un terme en plus que l'on vient placer avant le terme qui est indéfini qui ici en l'occurrence qawlin le terme ici c'est min. C'est min. Lorsqu'on ajoute ce terme min, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va traduire au niveau du sens général de la phrase ? Ça va traduire la généralité. Fayanassum sarihun fil umum, yufid al umum, c'est-à-dire une généralité, c'est-à-dire n'importe quelle parole. Ici, le terme qawlin, ça va être n'importe quelle parole. Donc, c'est traduit par ce procédé également linguistique. Mayalfidhu min qawlin. Mayalfidhu min qawlin. Mais ici on a rajouté, c'est pour ça qu'il a dit le cheikh Zouidat Qabla Lavvata ou Lavvatu Min. Mayalfidhu Min. Donc on a rajouté Min et ça a ici pour incidence directe et explicite Al-Umum. Donc la généralité. Donc à partir de là, le terme il traduit la généralité totale. Donc ça rentre dans n'importe quel, ce qu'on appelle Al-Qawl ou ce qu'on appelle Al-Lavv. Ça va rentrer ici, il va rentrer ici. Même le gémissement. Même la plainte que l'homme dit. Donc on voit ici que c'est en apparence le sens du verset. De par cette règle. Donc regardez encore une fois l'importance de la langue arabe. Wallah al-musta'an. Ensuite le shir, il nous donne le deuxième avis des savants. Qui disent La yuktab min al-a'mali illa ma fihi thawabun aw 'iqab. فالذي يقولون لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب والذي يقولون يكتب الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلا وبعضهم يقولون يكتب أولا ثم يمحى. طيب le shir il nous dit, c'est simple à comprendre, que les autres savants disent qu'on n'écrit pas tout ce qui n'a aucune relation avec le châtiment ou qui n'engendre pas un châtiment, qui n'engendre pas une récompense. Donc العمل الجائز المباح, l'acte qui est permis. L'acte qui est permis. Taïb. Donc les autres savants disent qu'on n'écrit pas ces actes-là. Tout ce qui est écrit par les anges, c'est tout simplement ce qui engendre une récompense ou un châtiment. C'est-à-dire ce qui va être de l'ordre de ta'a, de l'obéissance, ce qui va être de l'ordre de al-ma'a, c'est la désobéissance. Et il nous dit ala kulli hal. Ala kulli hal. Même si on revoit ces deux avis. Il dit que, en titre de résumé et de conclusion, les savants, tous les savants, que ce soit le premier avis ou le deuxième avis, les gens du premier avis ou les gens du deuxième avis, sont tous d'accord pour dire en fait que ce qui va compter par rapport à l'écriture, c'est l'action qui engendre une récompense ou un châtiment. Et que tout simplement la divergence va revenir à ce qu'on écrit ou à ce qu'on n'écrit pas cela. Et même ceux-là qui disent qu'on écrit cela, ils disent après, au moment où bien sûr les feuilles vont être données et qu'on va à la personne, bien sûr ça va revenir ensuite, on a dit al-hisab, yom al-qiyam al-hisab, ce qui n'a eu aucune incidence par rapport à une récompense ou par rapport à un châtiment, yumha, comme le dit le shir, yuktaba walan thumma yumha, c'est-à-dire ça va être effacé. Malgré que ça a été écrit, ensuite ça va être effacé. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de dans cette divergence, il n'y a pas une grande incidence par rapport à l'avis global et général de ces savants, sachant qu'ils sont tous d'accord sur cela, que même ceux qui disent qu'on s'est écrit, ça va être ensuite effacé, que ce n'aura aucune répercussion par rapport au jour dernier, fil hisab. Tayyib, fi surat al-tour, le shir, il a choisi le verset 21. قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Ceux qui ont cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, c'est-à-dire les descendants de ces gens-là les auront suivis dans la foi. Al-haqna bihim dhurriyatahum. Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Wama alatnahum min amalihim min shay. Wama alatnahum min amalihim min shay. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Ça c'est le surat 21. Il nous dit le shir, في هذه الآية الكريمة بيان تفضل الله عز وجل على الآباء والأبناء من أهل الجنة الذين تفاوتت منازلهم فيتفضل على الأبناء برفعهم إلى منازل آبائهم ويتفضل على الآباء بأن تقر أعينهم أو أعينهم لمرافقة أبنائهم دون أن ينقص الآباء شيئا من ثوابهم. Donc il nous cite le shir ici, que dans ce verset, Allah Azzawajal nous montre sa grâce, qu'il a fait grâce aux pères et aux enfants. Et ça c'est une boucha, ça c'est une grande nouvelle, une grande annonce aux croyants. Une grande annonce aux croyants, subhanallah. Et regardez encore la grâce d'Allah Azzawajal. Et ça c'est simple à comprendre du verset. Il nous dit le shir, qu'Allah Azzawajal a fait grâce aux pères et aux enfants. Comment cela? Min Ahlil Jannah, bien entendu. Ici, taqid, min Ahlil Jannah, c'est-à-dire ceux qui font partie du paradis. Et comment cela? C'est-à-dire que les enfants sont rentrés dans le paradis, c'est-à-dire qu'ils les ont suivis. On voit dans le verset qu'ils les ont suivis dans leur foi, ils ont suivi les pères dans leur foi. Les pères sont rentrés au paradis et les enfants sont rentrés au paradis. Et ensuite, à partir de là, il va avoir encore une autre grâce d'Allah Azzawajal. Il va encore avoir une autre miséricorde d'Allah Azzawajal. Comment elle va se traduire? D'un côté, sachant bien sûr que il va avoir pour ceux, également ça aussi c'est un autre cas, pour ceux qui ont eu des degrés différents. Pour le père et le fils, à titre d'exemple, qui ont eu le même degré dans le paradis, bien sûr, cela ne va pas être effectif. Ça va être effectif pour la personne dont le fils et le père ont eu une différence par rapport au degré dans le paradis. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le père ou les pères, ils auront un degré meilleur et plus élevé que les enfants, que les descendants. Qu'est-ce qu'il va faire Allah Azzawajal? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport au père? Il va leur faire grâce car il va élever et il va faire rentrer sa descendance, ses enfants, au même niveau que lui. Pourquoi? Afin que ses yeux soient embellis de par la vue de ses enfants dans le Jannah, comme il nous dit le shir. Bien tuqirra a'yunuhum لِمُرَافَقَةِ أَبْنَائِهِمْ دُونَ أَنْ يَنْقُصَ الْأَبَا شَيْئًا مِنْ ثَوَابِهِمْ. Donc afin que le père, et bien sûr ça fera partie du délice total, que le père, ils sont en présence de ses enfants, en présence de ses descendants au paradis, qu'il les voit de manière continuelle auprès de lui, et qu'il ne soit pas en fait dans un autre degré du paradis, ce qui aurait été en fait pour lui la non-vision de ses enfants. Donc pour que au paradis la récompense et le bienfait d'Allah et la grâce soit totale, Allah Azzawajal fait que les enfants donc vont monter en degré le niveau des pères dans le paradis. Et par rapport aux enfants, ça c'est de façon évidente, de par cela ils auront gagné en niveau. De par cela ils auront gagné en niveau. Sachant qu'il y avait une différence entre eux par rapport aux actions. Mais Allah Azzawajal, ça c'est de par sa grâce absolue. C'est pour ça qu'il dit Yashir, le Shir dit Bayanu tafaddulillah. Allah Azzawajal yatafaddal ala khalqi bima yasha ou kayfa yasha. Allah Azzawajal il fait grâce à ses esclaves, à ses serviteurs comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, Allah Azzawajal précise dans ce verset. Pourquoi? Parce que la personne aurait pu croire, aurait pu penser peut-être que le fait que les enfants rejoignent leurs parents, il aurait pu avoir par rapport aux parents un naqs, c'est-à-dire une diminution par rapport à leur rétribution. C'est pour ça qu'il est précisé dans le verset. Et c'est pour ça que le shir dit d'un anyan qusa al aba'a shay'an min thawabi. C'est-à-dire malgré que les enfants vont monter auprès d'eux, il n'y aura aucune diminution dans la récompense des parents, dans la récompense des pères. C'est-à-dire, ils ne diminueront en rien le mérite de leurs œuvres. Et ensuite, il cite le verset « وَقُلُوا كُلُّ مْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ » Chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. « أي مُرْتَهَنٌ بِعَمَلِهِ فَيُجَازَ عَلَيْهِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ وَلَنْ يُنْقَصْ أَحَدٌ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا » قال ابن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن فضلي وكرمي وامتناني ولطفه ولطفي بخلقي وإحساني أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا أعمالهم. Donc il nous dit bien, Ibn Kathir, donc il rapporte cette parole, le shir. Dans un premier temps, il nous dit par rapport au verset, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis, que chaque personne est restreint à ses actes, c'est-à-dire suivant ses actes, il sera rétribué. Taïb, si c'est un bien, il aura un bien, si c'est un mal, il aura un mal. Et que personne ne viendra, ou que personne, yani la yun qasahadu min amali shay'an, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de diminution par rapport aux actes. Aucune injustice sera faite aux personnes. Taïb. Et bien sûr, ça fait partie, ça rentre bien sûr dans le bienfait d'Allah Azzawajal, la miséricorde d'Allah Azzawajal, sa grâce, etc. Et il nous dit ensuite que ceux qui ont suivi la foi de leurs parents, les enfants qui ont suivi la foi de leurs parents, alors ils rentreront avec eux dans le paradis. Donc Allah Azzawajal va les réunir dans ce qui est de meilleur. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait descendre les pères au niveau des enfants, mais les enfants, il les a fait monter au niveau des pères. Et donc ça, c'est de la meilleure des façons. Sous le meilleur des aspects, Allah Azzawajal les a réunis. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, celui qui avait un naqs, une diminution au niveau de ses actes-là, et c'est ici dans le cas des enfants, ceux qui n'auront pas atteint le niveau de leurs parents par rapport aux actes, Allah Azzawajal, il va les élever. Subhanallah. Et donc ici, lorsqu'on a cité ce verset, ou le verset précédent, وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ, le verset, on voit ici, comme nous le dit le shir, que c'est في مقام مقام الإحسان ومقام الفضل. C'est-à-dire ici que c'est dans ça relate de la bienfaisance d'Allah Azzawajal, de sa grâce. Donc ça ici, maqam al-fadl. Par contre, le verset qui a suivi, kullu mri'in bima kasaba rahin, c'est-à-dire que chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis, hada maqam al-adl. Maqam al-adl. Ici, c'est donc un niveau de justice. Maqam al-adl, une situation qui relate la justice. Alors que l'autre situation, ou que l'autre état, c'est un état donc de maqam al-fadl. Par contre, dans ce verset-là, c'est un état de justice. Et ensuite, donc, il va continuer à citer, comme le shir l'a expliqué, et comment donc on a traduit cette parole et ce verset-là. Et donc, on voit ici encore, subhanallah, la grâce d'Allah Azzawajal qui est immense envers ses créatures. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.